Kolo Yesu abuya kamoto yote Ata yosali mabende ngenyoso Ako bianga yokaka oya epai na ye epai Ako bongo la yoko mamosa Tala solo na zale koluka Bampate na Yesu babonga keta Lana kati ya lopango Ukozonga Epai na Yesu Okokota Nakati ya lopango Ukozonga Ukozonga Ukozonga Epai na Yesu Epae na ye o kokota na kacha lopango yompate wate koyoka soniti Yesu azali na yomawa o yaka aku yamba yo o yoka lilopa Yanko, kolo mase ya azale kohela yo oya epai na ye O kozonga, kozonga epai na ye O kokota, kokota na kachalo Zonga lelo, o kozonga, kozonga epai na ye O kokota na kachalo pango C'est ça, il va Veni Yaka Retournons à l'éternel. Reprenons les intenses prières. Invoquons le Seigneur Tamis Christ. Il est prêt. Cherchons sa face dans l'humilité. Au lieu de nous arrêter aux émotions. Non, venez. Yaka. Nasoko kate. El kelingai. Venez. Yaka. Venez. Yaka. Retournons à l'éternel. Nous en avons parlé. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas un étalage des émotions. Vous allez te contenter de ce que vous passer au tour. Yanga yango eza ebele. Tala contenir raba émotion nangaye. Moteme. Hé, passé. C'est pas ça. Venez, retournons à l'éternel. Ce que Dieu attend de nous, ce n'est pas d'avoir les yeux fixés en arrière sur ce qui est déjà passé ou des personnes qui ont été vivantes. Mais qui ne sont plus vivantes, qui ne sont plus sur la terre. Cette page est passée. Mais je n'ai pas passé. Oui, n'a pas passé. Mais Dieu vit éternellement. Lui qui vit éternellement, tu n'arrives pas à garder ton attention fixée sur lui. Mais pour ceux qui ont été avec nous, ceux qui nous ont quittés, parce que Dieu a laissé faire comme cela, alors tu t'accroches. Tu n'arrives pas. Et pour oublier le Seigneur, c'est des fois très vite facile. La tentation vient, on a déjà oublié le Seigneur, on voit l'iniquité comme de l'eau. On a oublié que Dieu existe. Il a interdit de pécher. Il a interdit de mauvaise posture. L'adoption de mauvaise nature. Là on oublie. Très vite on est entré dans ça. Là où il est même écrit, souviens-toi de ton Créateur. C'est même écrit comme recommandation dans la Bible. Souviens-toi de ton Créateur. Souvenez-vous de votre Seigneur. Mais nous l'oublions. Lui nous l'oublions. Pour faire les choses qu'il a interdites. Mais les êtres que lui nous a retirés. Nous avons difficile à les oublier. Vous voyez ce qui se passe? À qui offrons-nous le grand amour? Venez. retournons à l'Éternel. Dans notre marche, Dieu dit dans Philippiens chapitre 3, comment s'y prendre dans la marche chrétienne. Philippiens chapitre 3, versets 12 et 13. Ce n'est pas que j'aie déjà remporté le prix ou que j'aie déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours, verset 14, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Les alités étaient nassilés kozoyango, soko étaient nassilés kobunga. Ne, na kombe, na kaliboso étaient. Na simba yango mpela moko Kristo Yesu asimbingai. Bandeko. Na tangite ete na silinde ko simba yango. Nde nazali ko sala kali kambo oyo moko ete. Awa ezali ngai ko bosana kama kambo mazali sima. Mpe. Ko pusaka mpona yango ezali nde liboso. Nazali nde ko bila kakino suka mpona libonza oyo ezali nde. Ebyangeli na nzambe kuna na likolo kati na Yesu Kristo. Voyez-vous ça? Je fais une chose, oubliant ce qui est passé, ce qu'on a vécu ensemble, les moments de gloire et de joie. Mais c'est passé. Il y a encore du chemin devant. Je ne dois pas devenir distrait. Je ne dois pas affaiblir ma foi. Au contraire, je dois fortifier ma foi. Je intérêt à fortifier ma foi. À poursuivre la perfection. Nous avons été avec un tel. Oh, il a été très cher. C'est un être très cher. Mais le Seigneur qui donne la vie l'a retiré. Rendez-vous à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas à perdre le temps en pensant à ce qui est passé, que nous avons gagné la bataille. Mais c'est en intégrant la parole. Le Dieu qui l'a retiré là, il a blessé nos cœurs. Mais quand est-ce qu'il bandera cette plaie? Quand il va ressusciter la personne. Parce qu'il a promis la résurrection des morts en Christ. Nous nous reverrons encore. Alors le moment de séparation par la mort, disons bien, ce n'est qu'un au revoir. Nous nous reverrons. Pour un temps, on ne se verra pas. Mais au bout d'un temps, on se reverra. Parce que la résurrection est une réalité. La résurrection des morts est une obligation. L'enlèvement, c'est pour bientôt. Et nous serons de nouveau ensemble dans la gloire éternelle. Êtes-vous là? Au lieu d'aller me remplir et m'entourer de plein de photos. Il y en a beaucoup, hein? Quand on doit défiler un peu les photos, combien nous ont quittés ici dans l'église? Bilongi tout au long du voyage. Au lieu de nous entourer de toutes ces photos, commencer à les admirer. Ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appelé. Il nous appelle à combattre pour la résurrection d'entre les morts. Et chacun doit intérioriser ça. Toujours ici dans Philippiens. Paul dit, verset 10 et 11, ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui, par sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Cette promesse de la résurrection d'entre les morts est devant nous. Nous devons l'atteindre. Nous devons y parvenir. Chacun doit se battre comme Paul et se fixer ça comme objectif. Pour y arriver. Voulez-vous? Voulez-vous? Nous devons nous qualifier devant Dieu. Cherchez la qualification qui vient du Seigneur. Pour trouver notre place là dans la résurrection. Nous pouvons pleurer. Nous pouvons nous affliger. Nous pouvons regretter. Nous pouvons avoir des mots de tête et des insomnies. Parce que ça nous dépasse. Ce n'est pas ça qui va ramener les morts. Celui qui est parti est parti. Mais si nous voulons le revoir, si nous estimons que nous est cher, et que pour la vie future, nous aurons encore besoin de lui, ne soyons pas distraits, s'il vous plaît. Qualifions-nous pour être retenus parmi ceux qui ressusciteront d'entre les morts. Alors, quand celui-là ressuscitera, quand celui-là ressuscitera, nous serons ensemble. Sinon, on aura pleuré, on se sera lamenté, on aura regretté, on a passé des insomnies, des douleurs, des manques d'appétit, mais à la fin, lui là que nous avons pleuré, était déjà dans un monde meilleur. Lui là que nous avons pleuré, qui nous avait été cher, participera à la résurrection d'entre les morts, sans nous. Et à la fin, lui là que nous avons pleuré, entrerons au ciel, pendant que nos pleurs à nous reprendront en enfer. Que choisissons-nous? Olélie, c'est bien. Mais à côté de là, il y a au côté de l'Ifélo. Dieu ne dira pas parce que Olélie est ma casse, n'a mon acquis. Laisse qu'on a fondé les portes à l'eau, la côte. Ce qu'on a un Saint-Esprit au côté. Que disons-nous? N'est-ce pas que c'est Amen? N'est-ce pas que c'est Amen? Vous avez donné bon côté. Pour ne pas rester dominé par les émotions. Oh, pasteur, vraiment ma casse. Est-ce que c'est le moment vraiment? Toi, tu veux mettre à côté d'Isaacan. Oligni n'a nous fait le bon goût pendant un mois moubima. Il faut qu'on l'amuse aussitôt. Amen. Amen. Tu vois comme si c'est très tôt, mais il faut que ceci te soit dit. Et ça, maintenant, que la parole nourrit nos âmes chaque jour. C'est vous là? Venez, retournons à l'Éternel. Ne lâchons pas la petite fleur de notre vie. Ne lâchons pas Jésus-Christ, le rocher des âges, le lys de la vallée. Offrons-lui le meilleur que nous pouvons lui offrir. La vie de l'Évangile. Venez, retournons. Car il a déchiré. Mais il nous guérira. Il a frappé. Mais il bandera nos plaies. Les plaies du passé, les plaies du présent et les plaies du futur. Le même Dieu qui a frappé, le même Dieu bandera toutes ces plaies. Ba pota ya kala, ba pota ya lelo, ba pota ya koya. Gubelensa mime moko moko ya pasoli, ba pota ya ngo, ye moko onde ya kukangele biso ya ngo. Est-ce que vous y croyez? Bozali kwenye mele ya ngo? Croyez-vous Dieu? Bozali kwenye mele ya ngo? Qu'elle fait chaque chose belle en son temps? Azali kosa lelo kona lelo kwenye suki toko. C'est vrai. Il dit, il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera. Et nous vivrons devant lui. Nasi manami koloni bale, akobi kise biso li susu. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Toyaba, tobilaka na koyaba ka Yahweh. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Notre Seigneur viendra. Il viendra. Akoya. Et sa venue est certaine. Un élu qui se prépare prend la chose à cœur. Allons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres, qui n'ont point d'espérance. Bangoko, l'unité est besoin que Bakambo na Bango basilinde kolala. Ete, boyoka mawate mpelamoko, bamususu, lukola bamususu baoyo, bazalina edukiate. Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Zambisaki tozali kodima ete Yesu akufaki mpe asekwaki lisusu. Bongo na nzela na Yesu Nzambe akoyaisaka lisusu ba oyo balali esika moko na ye. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ça vient devant nous. L'événement non encore réalisé. Nous portons vers ce qui est en avant. Voilà encore ce qui vient devant. Nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Ils ressusciteront avant le changement de nos corps à nous les vivants. Et nous nous réveillerons. Buso bato na bomo ba oyo batikali kino na komona na nkolo na biso tokole kali boso na ba oyo balaliki. Nous n'entrerons pas au ciel avant eux. Nous n'entrerons pas aussi au ciel sans eux. Mais Dieu le ressuscitera d'abord. Mais si nous voulons les rencontrer alors, c'est le rendez-vous qui est en avant. Nous allons vers ça. Pour atteindre ce rendez-vous, pour réussir à ce moment-là, chacun doit intérioriser ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il faut être un colo, il y a beaucoup. À Nicolo. Na konganga makasi pe na mungongo na mukolo na banje pe na kobeta na mundulu na nzambe pe bakufi kati na kiso bakosakwa bonso. Ensuite nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Voulez-vous le faire? Dès après culte ici. Voulez-vous le faire? On les lit mais on ne les fait pas. De nous consoler les uns les autres par ça. Le Seigneur revient, nous allons nous rencontrer dans les airs. On ne les fait pas. Mais ce que nous faisons, nous savons faire, notre savoir-faire, c'est de beaucoup pleurer. De nous lamenter de ceci et de nous questionner. C'est ça notre savoir-faire à nous. Mais ce que nous lisons ici, auquel nous disons amen là, entre nous, c'est rare de trouver des frères en train de se dire ça. Notre frère est parti. Notre soeur est partie. Mais ce n'est qu'un au revoir. Car bientôt, dans très peu de temps, le Seigneur revient. Ah, bien aimé. Courage. Le Seigneur revient bientôt. Il est parti. Ça nous fait très mal. Il est parti. Ça fait très mal. Courage, frère. Que Dieu nous bénisse. Qu'il soutienne nos efforts. Notre combat pour le juste cause. Pour le principe de sa parole. Qu'il nous rende plus que nos cœurs. Comme il a promis. Chaque jour repasse. Lui a terminé sa page. Nous continuons à tourner notre page. Mais nous voulons faire. Et à la fin, que tout la gloire revient à Jésus. Mais au moment de la résurrection entre les morts, ne rate pas cette fois. Ne rate pas. Y en a-t-il parmi nous qui font ça? Dans nos deuils, regardez-vous. Dites-vous la vérité. Souvent ça s'arrête au bon prédicateur qui a pris ça. Il a dit, atteignez bien. Atteignez bien. Atteignez bien. Au moins, atteignez bien. Atteignez bien. Et puis, il y a une moitié, il y a une moitié. Mais bison, la bison, rien. Vous mettez ma solo, ah, mais qu'il y a un divin et tout ça. Mais on parle de lui, on parle d'elle, et puis, et c'est tout. Et c'est dit. Mais de relier ça au retour de Christ. De rattacher nos conversations, orienter nos conversations vers la résurrection de mort en Christ. Mais notre savoir-faire, c'est de plus se parler. Ah, dernier n'est payé par Koufi. Et puis vraiment, les émotions. Nous nous nourrissons des émotions au lieu de nous nourrir de la parole. Ça doit changer. Si nous disons que nous croyons au retour de Christ, montrons par nos conversations que nous y croyons et que c'est un programme réel auquel nous nous attendons. Mais il ne faut pas avoir ce genre de conversation désorientée. Tu commences à chercher qui est le sorcier. Wapi na Bible balobi ki sugi mwe ya kufi nde musala tukumi pesa tolu kasiko ba secret bima ya nani mutwalia kie. Où est-ce que les chrétiens se livrent à ce genre d'activité? Ba Kristo banda komisale na musala wana wapi? Peri kutu tu iba kite? Ujo kane njori ya mune nezaki ni tata mwati na hii. Umune ba famila biso pe foko ke ba ke? Est-ce que c'est ça le discours des chrétiens? Wane ne balobo ba Kristo ba kiko. Ba ya endese. Ce qui lui a écouté. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça doit changer. Consolez-vous les uns les autres par les paroles. Le Seigneur vient et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parlons de ça quand il y a un décès. Nkolo azali koya. Bakufi kati na Kristo liboso bakose kwa. Faki liwa ekwati kati na biso nde o esengeli na biso kolobelela. Et vous direz quoi? Dieu n'est pas bon pour votre âme? Il a permis qu'un premier décès se produise. Le Saint-Esprit a surveillé pour voir si vous allez parler de ça entre vous. Et il a dit que vous ne l'avez pas fait. Il permet qu'un deuxième décès vienne dans l'église. Le Saint-Esprit surveille pour voir si vous allez parler de 1 sur 4 entre vous dans vos discours. Et de la résurrection de mort en Christ. Vous ne l'avez pas fait. Il permet qu'un troisième, quatrième, cinquième décès arrive. Vous ne le faites toujours pas. Et quinzième décès peut-être. Quand on vous en parle, oh non, c'est très tôt. Est-ce que c'est le moment vraiment? Mais vous voulez qu'on en parle quand alors? Nous devons changer. Quand quelque chose arrive, adaptons-nous à la parole. Réagissons comme la parole attend que nous réagissions. Faisons plaisir au Seigneur. En consolant les uns les autres. Par ces paroles. Qui dit amen. Allez-vous le faire dès la sortie d'aujourd'hui? Maintenant, vous venez au hésiter. Je veux que cette hésitation soit brisée. Après le culte d'aujourd'hui, les uns les autres, en dehors de se saluer par un seul baiser et tout cela, hein? Au-delà de ça, consolons-nous par ces paroles. De ce soir ici. Amen. Nous avons perdu une précieuse sœur. Maintenant, consolons-nous les uns les autres. Par ces paroles. Êtes-vous là? Vous allez voir, non? Retournons dans Job chapitre 5. Comme la parole est merveilleuse. Nous avions le verset 8 à 15. Pour moi, j'aurai recours à Dieu. Et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables. Ses merveilles sans nombre. Il répand la pluie sur la terre. Dieu fait ça. Et il envoie l'eau sur les campagnes. Il relève les humbles. Nous avons dit dans les sermons qu'il nous faut adopter toujours l'humilité comme nature. Il délivre les affligés. Est-il l'un d'eux des affligés? Es-tu affligé au-dedans de ton cœur? Vous allez pas, quand tu as des affligés, Ton cœur est-il affligé? Alors il est écrit, Dieu délivre les affligés. Et c'est écrit au présent. Comme tu entends ça, que cette parole qui a la force et la puissance te délivre immédiatement de l'affliction. Tu ne l'entends pas avant? Mais ne dois pas retourner à Dieu sans affliction. Mais ne dois pas revenir dans les croyants. C'est pourquoi elle s'exprime que Dieu te délivre maintenant de toute affliction. Lui qui console le monde. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Tout ça, notre Dieu le fait. C'est parmi les merveilles sans nombre. Tu peux me dire à cet instant combien de cœurs affligés Dieu venait de livrer sur cette terre. Pendant la minute ici où nous lisons cette parole. Peut-être dire, sur cette terre, parmi tous les vivants, chaque minute ici, Dieu fait ça. Il délivre des affligés. Quelqu'un est délivré, comme toi tu viens d'être délivré. L'incrédule va continuer à garder son affliction. Mais le croyant qui prend Dieu au mot est délivré de l'affliction. Et le jour où l'incrédule renoncera à son incrédulité, comme il a déjà entendu la parole, le jour où il va renoncer à l'incrédulité, pour croire enfin à la parole, au même instant il sera délié de son affliction. Dieu agit. Il fait des merveilles sans nombre. Innombrables. Il anéantit les projets des hommes rusés. Est-ce que tu en connais combien ont été formés contre toi? Les projets des hommes rusés contre toi. Est-ce que tu connais cela? Même les noms. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par leur nombre, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre, des ennemis invisibles, des ennemis inconnus. Rôde là autour de moi. Je me sens accablé par leur nom. Vous sentez une multitude de forces et de puissances qui militent contre toi, contre ta réussite, contre ton succès, contre ta paix, contre ta bonne santé, contre ton sommeil doux, contre la tranquillité de ton cœur. Il y a des choses qui combattent contre ça. Des fois invisibles, mais tellement innombrables. Accablé par leur nom. Mais que ferai-je, Seigneur, sans toi? Chaque jour, à chaque heure, moi, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Mais quand ce Jésus-là t'invite, venez. Répondons à l'éternel. Alors, ne tardons pas. Répondons au titre. À qui doit-il le nom? C'est à toi que nous viendrons. Avec nos paroles du cœur, avec l'amour de notre cœur, nous t'aimerons du mieux que nous pouvons. Il anéantit les projets des hommes rusés. Et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse. Et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Quand Dieu renverse les projets, les desseins des hommes artificieux, est-ce que tu es au courant seulement? Il fait des merveilles. Il fait des merveilles à chaque minute ici dans l'univers. Il fait des merveilles en faveur des humains. Il fait des merveilles innombrables. Que son nom soit béni à jamais. Qu'il soit adoré. Qu'il soit servi par les vivants. Car ce ne sont pas les morts qui les célébreront. Mais c'est nous les vivants qui devons les célébrer. C'est nous les vivants qui devons l'adorer. Nous devons témoigner de lui. Il fait des merveilles sans nombre. Contre les bienfaits de Dieu. Contre ces merveilles. Et ces hommes artificieux rencontrent les ténèbres au milieu du jour. C'est Dieu qui les confond comme ça. Et des fois, tu n'en sais rien, mais ton Dieu le fait en ta faveur. Il t'attend en plein midi comme dans la nuit. Et ton Dieu fait ça, de quoi à ton échec. Ainsi, Dieu protège le faible. Que le faible dise encore, je suis fort. À cause de mon Dieu vivant, il est mon rocher, mon salut. Que le faible dise encore, je suis fort. Un jour, il se comptera parmi ses héros. Nous l'avons entendu dimanche et c'est la vérité. Dieu se comptera parmi ses héros. Mais il faut maintenant se battre pour être qualifié. Ainsi, Dieu protège le faible contre leurs menaces. Il les sauve de la main du puissant. Comme Dieu est si bon. Il a dispersé Israël. Mais il avait prévu de bander les plaies d'Israël. Et quand il devait bander la plaie d'Israël, dans les temps où il banderait cette plaie, hein, comme il a annoncé au temps d'Esaïe et d'Osée, Esaïe avait annoncé ceci en accord avec le même événement. Esaïe au chapitre 30. Il est écrit ceci au verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et la lumière du soleil sera sept fois plus grande comme la lumière des sept jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups. Abraham dit, Osée là qui a donné la prophétie, c'était 2700 ans avant notre temps. C'est environ 700 ans avant Jésus-Christ. Et on ajoute ces deux pieds-là qui s'ajoutent ici après Jésus-Christ. Après que depuis que la promesse là était écrite, ça a totalisé 2700 ans. Ce qui donne environ 3 jours. Devant Dieu, parce qu'un jour pour Dieu c'est 1000 ans. Or, par la bouche de Osée, il avait dit, Osée 6, verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours, dans 2000 ans. Le troisième jour, il nous relèvera. Amen. Et nous vivrons devant lui. Nasi manami kolomi balé, akobi kisabi soli susu. Mikolomi balé, zalinen koto mi balé. Pe na mokolo, na misatu, akose kisabi sompe, tokobi kanali boso na ilongi nae. Au troisième millénaire, après la prophétie d'Osée, dans le troisième millénaire, dans la période des troisième mille ans, après les deux premiers mille ans, au cours du troisième mille ans, là, il leur rendra la vie. Et Dieu a tenu promesse mot à mot. Nalisa kolina oseya, na mikolomi balen koto mi balé yam bambula oye le kaki, na katikati yam. Mkolo oya misatu ezaline na kati ya mkoto oyo ya misatu. Nzambe akokisi mayeye oyo alobaki mpwete apesi bangoli susu bomoy. Et dans le sermon, reconnaître votre jour et son message. Na litena mosakoli, koyebaka mkolo oya yompe sango ya mkolo angu. Prêcher le 26 juillet 1964. Au paragraphe 54. À 56. Il est dit. Osée a dit dans le chapitre 6, verset 1. Retournez à l'Éternel. Souvenez-vous, il a dit qu'ils allaient être dispersés. Et ils l'ont été. Et il a dit qu'ils allaient retourner à l'Éternel. Après qu'ils auraient été dispersés. Et qu'il bannera leur plaie. Dieu a dit ça. Remarquez, retourner, ils seraient dispersés. Le deuxième, ils avaient été déchirés. Ils avaient été aveuglés. C'est exactement ce qui s'est passé. Mais il a dit. Il nous guérira, il bannira nos plaies. 400 ans avant Jésus-Christ. Les 400 ans se sont épuisés. Oui. La promesse ne s'est pas réalisée. Mais Dieu disait le troisième jour. Tenez, la promesse de Dieu est infaillible. Le Seigneur, notre Dieu, bannira nos plaies. Que soit la durée du temps sera finalement. Prenez du homo. Il a dit, c'est exactement ce qui s'est passé. Il nous guérira. Et il bannira nos plaies. Comme Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. La vallée remplie d'ossements desséchés. Ézéchiel a vu cela. L'air retour. Le retour d'Égypte dans leur patrie. C'était un acte de guérison que Dieu donnait à la nation d'Israël. Une nation longtemps déchiquetée. Dieu qui fait la plaie, sa main bandera la plaie. Dieu qui promet de bander la plaie, il est fidèle pour le faire. C'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu du chrétien maintenant. Il est le même pour eux et pour nous aussi. Église, entendez et croyez. Ézéchiel a vu cela. L'air retour. Et puis il a marqué, Osée a dit, dans deux jours, il reviendrait vers eux. Il nous recevra et il nous donnera, nous rendra la vie. Or, rendre la vie, ça ne veut pas dire résurrection. Rendre la vie là, c'est le même mot qui est utilisé partout ailleurs. Je viens de le vérifier, ça veut dire un réveil. Un réveil des Juifs. Ils se sont réveillés de partout dans le monde. Vous êtes dans le pays. Et c'est Dieu qui les a réveillés. En son temps marqué par lui. Et c'est Dieu qui a permis que la nation se reconstitue. Il nous rendra la vie dans deux jours. Alors que ce serait le troisième jour, il nous rendra la vie de nouveau. Le troisième jour. Après nous avoir dispersés, aveuglés et déchirés. Vous savez, oui. Les Juifs ont été aveuglés dans le but précis que nous puissions avoir la vue. Amen. Amen. Ils ont été déchirés et dispersés comme ça. Et ils ont rejeté leur Messie pour que nous puissions recevoir le Messie. Pour qu'un peuple puisse être appelé à sortir des nations à cause de son nom. Or d'abord, il y a l'homme et la femme prend son nom. Ces gens des nations aveuglées qui n'arrive pas à voir ce nom. Le Seigneur Jésus-Christ. Bato ya mabota bakufa misoyo leloyo. Bazoko rakomona kombo yo wana te kolo Jésus-Christ pour le baptême. C'est vraiment trop dommage. Mais il faut qu'il en soit ici. Les Juifs, il fallait qu'ils les voient pas. Et il y en a qu'un qui peut le voir. C'est celui qui est prédestiné à le voir. Autrement, vous ne le verrez jamais. Les Juifs ne pouvaient pas voir qu'il s'agissait là de leur Messie. Pourtant, c'était des érudits et des théologiens. Des hommes reconnus pour leur grand savoir. Qui lisaient la même Bible que vous, vous lisez. Maintenant, une fois que cela nous a été divulgué, nous pouvons le voir clairement que c'était le Messie. Mais eux, ils ne pouvaient pas le voir. Et ils ne peuvent pas les voir aujourd'hui non plus. Il a été prophétisé qu'eux aussi, ils seraient aveuglés. Les gens des nations aussi. Laodicée. Tu es aveugle. Vous allez vous couffer, aveuglé. Et pourquoi Dieu a perdu ça? Ceux-là même qui font la vie religieuse dans l'âge de l'Odyssée soient aveuglés. Pour que toi seulement se prédestiner. Toi l'élu de Dieu dans cet âge. Tu vois la lumière du soir. Que le nom de Jésus te soit révélé. Comme nous prêchons et déclarons que c'est le pouvoir suprême et invincible. Il faut que cela te soit révélé. Ce nom doit être connu par toi. Osez même, Esaïe qui a dit, j'avais lu Esaïe 30, verset 6, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera sept fois plus grande. Qu'est-ce que vous voyez? La chaleur même de nuit sera augmentée. Et la chaleur de la journée sera multipliée. Et tout ceci produit le phénomène que les gens de science n'arrivent pas à mieux comprendre, le réchauffement de la planète. Ils se débrouillent de réunion en réunion, de conclaves et des histoires et des études, mais nous avons la cause dans la Bible. C'est que Dieu a prévu que la lumière de la lune, qui est une lumière douce, qui ne chauffe pas, mais deviendra comme la lumière du soleil. Donc vous aurez la chaleur de nuit et vous aurez la chaleur du jour amplifiée. Ça va réchauffer la planète Terre, montrant que nous sommes au temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, voyez l'écriture sur la miraille. Pendant que vous voyez le réchauffement de la planète, les hommes se laissent distraire par ça pour chercher des voies et solutions. Pour étouffer ça, nous comprenons que c'est le signe montrant que Dieu est en train de bannir la plaie d'Israël, son peuple. Amen. Na bongo bande kolo kola le do za kolo kabatu ba ko sangana kana matita. Kola ndela ka oyo bazali ezali kole kela bango pote sanza oyo pole na ngona butu ezala kama kashi ke kashi awa balobete pole ya sanza na butu ko za lokola neti ya mwese. Ete na butu bongo yo kamulunge makashi pe na moyi ezali ete moyi ngali kole kama kashi. De oyo bati ya mayele na mokili oyo basali kososola te basali kolobete mabele ezali nde kochamoka makasi moto eleki basali koluka kasi biso tozali komona elembo na kotala ete nzambe azali nde kokangaka nde pota ya Israeli. Dans les études, ils ont même prédit que la température terrestre va continuer à augmenter d'ici l'an 2110 où il n'y aura plus de vie sur terre. Ils ont dit ça. Une étude a démontré ça. Bango moko batala isakete na kotanga na bango balakisete lokola moye kobanda koya tango nyonso makasi kino na mubu ya mpoto mibale na zoo na mokama bomo ye kozala lisusu na mokili te po ete moye ekongala makasi il deviendra impossible de vivre sur la terre. Kozala mpasi mpona kobika na mokili oyo po moto ekongala. Quand ils disent l'an 2100 là c'est moins de 100 ans, nous sommes en 2022. Tango bazali koloba ete na mpoto mibale na mokama ezali mibu. Monsieur, quelle heure est-il? Mobile est en train. En quel état sommes-nous? Tous en attendant le réveil du sommeil. Venez, retournons à l'éternel. Ne continuez pas à regarder la terre. Regardez aussi les prophètes. La science est là, à raconter des choses, mais la Bible nous sert de guide. Le réchauffement de la planète est un phénomène prophétique. Ils en ont fait une affaire scientifique parce qu'ils marquent la spiritualité. Mais pour l'église, à qui Dieu révèle les secrets, vous n'allez pas vous comporter comme c'est censé. Comprenez que la plaie de la fille du peuple de Dieu est en train d'être bandée. Israël est en train d'être guéri. Israël a jamais compris qui ça. Et le Dieu d'Israël, c'est le Dieu des chrétiens. Et en même temps, Israël le même temps où la planète réchauffe. Oui, ma planète. Attention, messieurs et dames. Dans le même temps, Dieu restaure l'église de Matthieu. Qui elle aussi a été déchiquetée pendant les 7 ans. Elle a été rongée, détruite. Par les chelecs. Les Asiles, Gaza, la sauterelle, la grande armée venue contre l'église. Mais au temps du soir, le Dieu de son église s'élève de nouveau. Il se manifeste lui-même dans l'église. Il manifeste sa présence. Restaure l'église. Rétablit la foi. Il guérit les plaies de l'église. Nous en sommes bénéficiaires. Alors, les plaies que l'Église peut subir encore au présent. Entendez et croyons encore. Le Seigneur notre Dieu bannera nos plaies. Car sa main, quand il blesse, sa main guérira. Que Dieu s'oublie. Que c'est lui qui a la foi pour se regarder à Dieu. Voyez ça? Isaïe. 36 verset 26. La lumière de la lune sera comme la lumière du soleil. Et généralement, quand il a fait très chaud la journée, nous sommes accoutumés à attendre la nuit pour que le froid vienne. Mais quelle est la déception des générations actuelles? Vous ne le vivez pas qu'ici au Congo. C'est un phénomène universel dans le monde entier. Les gens commencent à dormir dehors. Parce qu'ils ont espéré la douceur et la fraîcheur de la nuit, elle ne vient pas. Il fait très chaud partout. Et la nuit et la journée, c'est devenu presque pareil. Qu'est-ce que c'est? L'auteur de la terre avait promis ça. Et nous le vivons. Les Français ont parlé de canicule, ils se sont fatigués de parler de canicule. Ils sont allés siéger maintenant ensemble avec les autres autour du thème du réchauffement de la planète Terre. Et vous savez aussi, je vous en ai parlé il y a des années. C'était dans les années 98, je crois. 1998. Aux États-Unis d'Amérique, à cause toujours de l'air pollution atmosphérique ici, avec les découvertes de la science et tout ce qu'il pollue dans l'univers, ça détruit une couche d'ozone à un niveau là. Et alors une fenêtre s'était créée et les rayons ultraviolets, les plus insupportables, les plus toxiques du soleil, ont pénétré, ils ont atteint la terre. Et du coup, ils ont brûlé 50 personnes qui ont été calcinées sur le champ. Le soleil ici que vous voyez. Et l'étude qui était menée à cette époque, 1998, prédisait que d'ici l'an 2050, il sera impossible de supporter la chaleur du soleil sur la terre. C'est ainsi qu'il tenait des rayons pour qu'on refroidisse la planète, qu'on limite les gaz à effet de serre, qu'on limite la pollution de l'atmosphère. Mais c'est eux-mêmes qui continuent à fabriquer les usines, c'est eux-mêmes. S'ils sont eux-mêmes les destructeurs de la Terre. Oyo na mboka na États-Unis basalaki mwa kotanga makambo komona ete na bisala sala na bango kosala kama tando minene ya kosala ka bisala sala o bazalo kosala ko bibisa biloko na ndenge na mayele na bango batobolaki mwa eloko moko nsipaka moyo po ebeta biso makasi ti mwa libusu loko ezalaki ezeke bareyo moko ekitaki oyo etumbaki batu. Les rayons ultraviolets. C'est incompatible avec la vie humaine. Et nous sommes protégés contre ces rayons-là par la couche d'ozone qui est dans l'atmosphère ici, au-dessus de la Terre. Mais cette couche-là, avec les gaz et toutes ces choses qu'on émet là-bas, et bien tous ces véhicules qui fument comme ça, ça va détruire cette couche-là. Alors aux États-Unis, ça va créer un trou à un endroit. Et ces rayons ont réussi à percer jusque sur la terre. 50 personnes calcinées sur la terre. Et l'étude prédisait que nous ne pourrons pas atteindre l'an 2050. Nous sommes en quelle année? voyez, quand on en parlait en 1998 dans nos prédications, ah oh, tant et ça n'a pas. Yango, il se trouve combien en 2022? Ça c'est pas la prophétie de la Bible. C'est pas un signe du Seigneur, les scientifiques. 2050. Tu auras quel âge à ce moment-là? On appelle Balobi vie sur terre impossible. Et qui dit Moussou Balobi 2100? Oh, Moussou Balobi 2050. Or, l'homme ne dit pas les choses avec précision. Mais Dieu maîtrise son temps. Ça viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. La surprise! Alors, tenons-nous prêts. D'un côté 2050 verrouillé, de l'autre 2100 déjà verrouillé. Bon. Donc, on regarde 2100, tu regardes 2050 été. Ah ouais, d'après ma scientifique. Maintenant, Kola Lobby, Azo abrégé œuvre dans ce quoi. Alors, toutes ces voies, tous ces signes qui se multiplient, vas-tu rester bras croisés? Venez. Retournons à l'éternel. Vivons de sa parole. Vivons dans sa présence. Chaque jour, s'il vous plaît, nous vous supplions, réconciliez-vous avec Dieu. Mettons nos vies en ordre. Vous ne savez pas quel... quand viendra ce moment. Que Dieu vous bénisse. Il est en train de bander la plaie de la fille de son père. Vous avez la preuve. Israël est retourné, il est déjà devenu une nation. Indépendante. Il a sa propre monnaie. Et le drapeau le plus vieux du monde flotte de nouveau à Jérusalem. Jérusalem est reconnue à nouveau depuis Donald Trump, capitale d'Israël. La plaie, les blessures, les injustices qu'a connu Israël, Dieu est en train de réparer ça sous nos yeux. Et les injustices qu'a subi l'église de la Sion, Dieu est en train de réparer ça sous nos yeux. Alors, dans peu de temps, Jésus revient. Préparons-nous, tenons-nous prêts. Amen, amen. Nous nous debout pour la prière maintenant. Que sa grâce soit sur nous. Et que son amour remplisse nos cœurs. Ok. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé, chemin con. Disant vers les cieux, oh partout, partout dans la joie, aux gens abandonnés, remplis-moi chaque jour d'amour, remplis-moi chaque jour d'amour, comme je marche, passe avec la colombe. Laisse-moi marcher toujours avec chant et soleil. Remplis-moi chaque jour d'amour, garde-moi. Garde-moi à côté de mon sauveur et guide, ne me laisse pas dans les ténèbres. Garde-moi du courroux et sa tête et mon âme. Remplis-moi chaque jour, Jésus, remplis-moi chaque jour d'amour. Comme je marche avec la calme. Le Saint-Esprit, laisse-moi marcher toujours avec chant et soleil. Remplis-moi chaque jour d'amour. Bientôt fini la cause, la fin de mon voyage. J'habiterai au ciel chez moi. Oh man, que je chante, roi fini, c'est la route vers la rive. Remplis-moi chaque jour d'un sauveur. remplis-moi, remplis-moi, chaque jour d'amour. Amen, comme je marche avec la calme. Saint-Esprit, laisse-moi marcher toujours avec son historique. Prions chacun. Tu es bien-aimé, notre Père Céleste. Nous te remercions, Seigneur, pour ton grand amour ce soir. Ta grâce et ta bonté. Que nous a rassemblés en ce lieu pour nous parler. Pour entretenir nos âmes, pour nous préparer à ton retour, pour nous faire connaître ta volonté. Et nous sommes venus pour t'adorer, pour t'écouter et t'obéir, pour te servir et suivre ta voix. La parole s'est exprimée. Laisse qu'elle trouve la place dans nos cœurs. Là où il y a eu la foi, qu'elle agisse dans l'immédiat. Produise les effets abondants. C'est pourquoi tu l'as envoyé. Là où les doutes, l'incrédulité et la distraction continuent à ronger encore. Et les émotions. Père, fais miséricorde. Pour que cette parole entendue s'effraie une voix. Et d'un moment à l'autre, qu'un jour enfer, elle déclenche ses effets. Et que chacun devienne un témoin, bénéficiaire, expérimentant la fidélité du Dieu vivant. Accueille chacun qui revient pour obéir à ton appel. Honore la foi de ceux qui te prennent au mot. Croyez encore, tu banderas toutes nos plaies. Tu es juste et fidèle pour le faire. Ta parole est infaillible chaque jour dans toute génération. Nous voyons qu'une vieille promesse, il y a 2700 ans, tu as veillé à l'accomplir, mon amour. À une autre écriture sur la miraille, sur le réchauffement de la planète, cette intensification de la chaleur qui étouffe la terre, c'est toi qui es à la commande, c'est toi qui es à la manœuvre, et ceux qui n'ont pas de spiritualité n'arrivent pas à te voir et continuent à fouiller dans la science, dans les études et les statistiques, alors que ta parole a la réponse, que les gens reviennent à Dieu, qu'ils se repentent et se convertissent, parce que tu ne veux pas que le méchant périsse, mais tu veux que tous les humains se repentent et se convertissent, et qu'ils aillent la vie. Sois notre secours et accueille le faible. Protège le faible. Que chacun témoigne de ta bonté. T'appelons sur la scène pour que tu nous fortifies. Que tu délivres les affligés. Délivre nos cœurs de toute affliction. Père compatissant, tu sais de quoi chacun de nous est fait. À quel point nous sommes fragiles. Mais à qui nous trahirions, nous, Seigneur? Et à quel point tu les paroles de la vie éternelle, tu es notre bras et le secours éternel. Le bras fort, c'est toi. Console cette église. Prends soin de chacun de nous. Et de tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir. Et que Dieu vous bénisse richement.